franceinter.fr. 15h04, affaires sensibles. Bonjour Fabrice. Bonjour Lionel Thompson. À tout à l'heure, à 16h pour un prochain flash. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire des Conti, ces salariés de Continental qui en 2009 ont mené l'une des mobilisations les plus importantes et les plus médiatiques aussi de ces dernières années. Illustration avant tout du prix humain de la crise de 2008. Cette année-là, chaque jour, on annonce la fermeture d'une entreprise. Après la non-reconduction des intérimaires, ce sont les ouvriers et les salariés qui paient les effets de la crise. Fermeture, retraite anticipée, négociation de départ, congé de reconversion, pôle emploi. Dans ce contexte, une révolte marque les esprits, celle de Continental. Une révolte longue, opiniâtre, syndicale, populaire et radicale. 4 mois de conflits ponctués d'assemblées générales, de manifestations, de rencontres, d'une colère cathodique en sous-préfecture, de longues négociations, puis d'une fermeture inéluctable. Une lutte qui se poursuit pendant des années devant la justice. En juillet dernier, 7 ans après l'annonce de la fermeture du site, la Cour de cassation a condamné Continental et confirmé qu'aucun motif économique et qu'aucune raison sérieuse ne justifiait la fermeture de l'usine de Clairoy. 7 ans après cette mobilisation, l'usine n'est pourtant plus là, tout comme les emplois. Alors, que sont devenues les victimes de cette crise? Que fut l'après-Continental à Clairoy? Pour parler de cette lutte et des jours qui ont suivi, nous avons invité l'une des figures du mouvement, l'ancien délégué syndical des Conti, Xavier Mathieu. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo, qui est allé à Marigny-les-Compiègne, tout proche du site de Clairoy, en Picardie, à la rencontre des anciens Conti pour savoir ce qu'ils sont devenus. Ce sera le cœur de notre propos en seconde partie de l'émission. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Juliette Delperroux. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Été 2008. Depuis un an, les Français vivent au rythme effréné du nouveau locataire de l'Élysée, Nicolas Sarkozy. Lors de la campagne présidentielle, le candidat de l'UMP avait promis de renverser la table, de réveiller cette belle endormie que serait devenue la France. L'un de ses chevaux de bataille, c'était la fin du dogme des 35 heures, vestige des années socialistes et tête de turc des économistes politiques et philosophes de droite. En 2007, pour le candidat Nicolas Sarkozy, la réforme de Martine Aubry est le principal. Pas le problème. Ben moi, je pense qu'il y a un problème. Ce problème, il est le suivant. Il faut garder les 35 heures comme durée hebdomadaire, mais il faut laisser, dans le privé comme dans le public, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler. Travailler plus pour gagner plus. C'est avec ce slogan, entre autres, que Nicolas Sarkozy est élu en 2007, y compris par de nombreux ouvriers qui se laissent tenter par la formule. Quelques mois après l'élection, chez Continental, 4e fabricant mondial de pneumatiques, on imagine ce monde nouveau en France. Car de l'autre côté du Rhin, chez les ouvriers allemands, depuis 2004, on a accepté d'augmenter le temps de travail sans contrepartie salariale, seulement une garantie de l'emploi. Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, les choses changent aussi. La flexibilité devient la règle et les ouvriers la variable d'ajustement des résultats de l'entreprise. En septembre 2007 à Clairoy, puis en décembre de la même année à Sarreguemines, les salariés des 2 usines françaises de Continental sont invités à se prononcer sur un rallongement du temps de travail, mais avec des contreparties salariales. Alors, bon gré, mal gré, pour ne pas perdre leurs emplois, une majorité d'entre eux acceptent les nouvelles règles de l'entreprise et votent pour le retour des 40 heures. Quelques mois plus tard, Louis Forzi, directeur de Continental Clairoy, se félicite de la nouvelle philosophie de son entreprise. Comme tout changement d'organisation, il est valable pour le temps dans lequel l'organisation est efficace. Si demain, demain je ne le souhaite pas, mais dans 3 ans, dans 4 ans, ou 5 ans, afin de nous adapter encore mieux à la compétitivité, nous devons de nouveau changer d'organisation. Il y aura un travail à nouveau qui sera lancé pour y arriver d'une façon correcte et positive pour tout le monde. L'adaptation à la compétitivité devient l'adage des temps modernes, ceux de la globalisation de l'économie et de l'industrie. Mais à l'automne 2008, les bourses s'effondrent. La crise des subprimes venue d'Amérique provoque la faillite de plusieurs banques, dont l'américaine Lehman Brothers, bien sûr, en septembre 2008. C'est le déclenchement de la crise financière. Les marchés mondiaux s'écroulent et l'industrie de l'automobile est l'une des premières victimes de cette crise. L'action de Continental chute. L'une des premières victimes de la crise financière, c'est bien Nel. Maria Elisabeth Scheffler, la nouvelle patronne de Continental, vient de réaliser la pire affaire de sa vie. Durant l'été 2008, et par le truchement d'une opération financière type LBO, Schaeffler, l'un des leaders des roulements à billes, prend le contrôle du géant pneumatique. Bientôt, les salariés paieront le prix de cette nouvelle histoire de la grenouille qui se voulait plus grosse que le bœuf. Alors au début de l'année 2009, des deux côtés du Rhin, chaque matin, inquiet pour l'avenir, on enfile l'uniforme, la combinaison ou la veste longue noire à liseré jaune, signée et siglée Continental. Qui devra payer la chute des marchés ? Les Rois, commune de l'Oise, il y a deux monuments. Le Clos de la Ronde, ancienne maison du père d'Alexis de Tocqueville, et l'usine de Continental, installée aux abords de la bourgade, sur 18 hectares. La Ronde, la petite rivière du coin, longe la ville. Elle fait partie du décor, comme la grande cheminée où est inscrit le nom de l'équipementier allemand. On aime la fixer du haut des vestiaires, on apprécie son silence, le temps d'une cigarette, avant de retourner dans le chaos des machines à caoutchouc, la fabrique des pneus. Dans l'usine, ils sont 1120 ouvriers à se relayer jour et nuit, 7 jours sur 7. Et ce 11 mars 2009, ce sont autant de téléphones qui sonnent aux quatre coins du Compiègnois. Les chefs d'équipe viennent d'annoncer une réunion générale sans plus d'explications. À 12h45, le couperet tombe. Continental annonce la fermeture de deux sites, l'un en Allemagne et l'autre en France, ici, à Clairoy. C'est la douche froide pour les salariés de l'usine Picard. Le soir même, un homme encore inconnu, délégué syndical à la CGT du nom de Xavier Mathieu, témoigne pour la première fois sur les ondes de France Inter. Tout le monde a les boules, quoi. Parce qu'on va se retrouver au chômage, il n'y a pas de boulot, parce que c'est une usine de 1200 personnes, c'est 3000, 5000 personnes dans le Compiègnois qui vivent de cette usine. Ils nous prennent pour des cons, ils vous annoncent la fermeture du site en 2010 et ils vous demandent de continuer à bosser, de comprendre les actionnaires, il faut qu'on essaye de les comprendre, mais vous vous rendez compte? Ces mecs-là, ils nous respectent pas, quoi. Il y a 27 millions de bénéfices. Ça va servir aux actionnaires et au groupe. Franchement, les gens, ils ont la haine. On va bloquer tout ce qui est à bloquer, voie ferrée, pont, on va foutre la merde. Il faut que les politiques, je vais vous dire un truc, moi, les politiques, là, qui se gargarisent depuis quelques semaines, là, qui viennent nous voir, faut aider les Clairois. Vous savez comment ils vont nous aider? On va foutre tellement le bordel que les politiques, ils vont aller voir les Continentales et puis ils vont leur dire, faut payer parce qu'on en a marre des Continentales. On va foutre la merde. Parce qu'on a tous la haine. Xavier Mathieu est entré chez Continental en 1988. Il a déjà passé la moitié de sa vie dans cette usine. Avec ses copains, ce soir-là, ils occupent l'établissement et refusent de reprendre le chemin du travail. Les pneus, le fruit de leur travail, leur fierté, deviennent des brasiers. Oui, des brasiers qu'on enflamme devant l'usine. Toute la petite ville de Clairoy est de passage ce 11 mars. Pour la plupart, les ouvriers ont des amis, des cousins, des parents, des fils qui vivent grâce à l'usine. C'est tout un équilibre qui est remis en cause ce jour-là. Et pendant que l'on se réchauffe près du bras zéro, Bernard Trinken, vice-président du groupe Continental, explique en anglais et sur France 3 les raisons de la fermeture de l'usine. Alors je pense qu'il faut regarder la situation de près à Clairoy. Le problème avec ce site, c'est que c'est vraiment le coût unitaire par pneu le plus élevé dans notre parc. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons investi 44 millions d'euros visant à améliorer la structure de coût du site. Et vous avez raison, effectivement, les employés ont consenti beaucoup d'efforts en la matière. En 2007, ils ont opté pour le travail hebdomadaire de 40 heures, mais ça s'inscrit dans un environnement très différent, j'entends, la pénurie de pneus sur le marché, donc on sortait beaucoup de pneus, mais à cette époque, c'était très salutaire. Et en 2005, nous avons réalisé la même chose dans les sites allemands, et cela ne s'est révélé pas assez pour récupérer notre situation en matière de coûts et de réajuster notre structure de coûts. Oui, mais la vie des salariés est indexée aux chiffres implacables d'une direction. On parle de surcapacité, de renversement des marchés, de la chute des cours, et on oublie dans le même temps les bénéfices passés, près de 638 millions pour l'année 2008, dont 11 à Clairoy. La crise inattendue, inexplicable est là. On l'entend chaque jour sur nos antennes et l'on répète aux salariés, que voulez-vous, c'est la crise. Face à elle, les dirigeants des grandes industries jouent la carte de la fermeture des usines trop chères et prennent la fuite vers l'Est ou le Sud, là où le code du travail et les rémunérations ne posent pas de problème. On appelle ça la délocalisation. Comme en Roumanie, à Timișoara, où le géant allemand produit en 2008 plus de 12 millions de pneus et continue à embaucher. Le coût de production d'un pneu est de 12 euros à Clairoy, il est de 5,30 euros en Roumanie. Tout est dit. De nouvelles machines feront bientôt leurs arrivées à Timișoara, promesse de nouveaux emplois et de carnets de commandes pleins. Sourire des salariés là-bas, larmes ici. Satisfaction des actionnaires partout. Mais ces travailleurs ne le savent pas encore. Chacun dans leur pays ne sont qu'une variable parmi d'autres sur le tableau Excel des actionnaires. En vérité, le coût de production d'un pneu n'est qu'un élément de la restructuration plus générale de l'entreprise. Le lendemain, quand Louis Forzi, directeur de Continental Clairoy, heureux il y a quelques mois d'avoir signé avec ses ouvriers l'accord des 40 heures, arrive dans le hangar, c'est l'explosion. Sur une petite estrade installée près des stocks de pneus, le directeur est accueilli par les colibés. Il est sifflé. Puis ce sont les œufs qui concluent sa tentative de prise de parole. Après les directeurs séquestrés, les œufs de Clairoy font le tour des rédactions, comme les déclarations des ouvriers, prêts à suivre la voie tracée par des manifestants de Guadeloupe qui bloquent l'île depuis plusieurs semaines. On voulait lui poser la question, on avait des questions à lui poser importantes. Ça fait 28 ans que je suis ici, ça fait 28 ans que je fais que des efforts pour Continental. Aujourd'hui, vous voyez le résultat, moi je suis outré. Nous affirmons le refus de la fermeture du site de Continental. À Clairoy, la lutte commence. Après chaque fermeture d'usine, à l'assemblée devant les mairies, les élus du coin et les ministres en charge du dossier se renvoient la balle et promettent l'un et l'autre de ne pas abandonner les salariés. En attendant, c'est à l'intérieur de l'usine qu'on s'organise pour lutter contre cette fermeture. Alors un comité est mis en place. Il est ouvert à tous, délégués du personnel comme simples ouvriers. La mobilisation sera collective et indépendante des centrales nationales syndicales. Dans ces moments-là, on rappelle les anciens, des amis qui ont milité lors de mouvements il y a longtemps, ou pas très longtemps, en tout cas dans la région. Roland Spirko fait partie de cela. Il était l'un des meneurs de la lutte de l'équipement chausson en 1995. À Clairoy, on écoute les anciens, les retraités, un peu comme on consulte les sages. Ensemble, ils s'organisent, apprennent les codes de la mobilisation, ses tempos, les moyens d'action. Ils récoltent le maximum d'informations, lancent les premières procédures de recours en justice, communiquent chaque jour pour faire pression sur l'industriel et sur l'État. Le 19 mars, ils sont déjà plus de 15 000 à battre le pavé à Compiègne. Le 25 mars, c'est à Paris qu'ils défilent, autour de l'Élysée. C'est pas le gouvernement, c'est pas là. Qui nous soutiennent, il faut qu'ils fassent quelque chose, parce qu'il y en a marre de ces usines qui ferment, de ces plans sociaux. Qu'est-ce que vous attendez de lui, président? Bah, qu'il gêne le plan social, déjà. Et après, s'il peut pas, et ben, que les dirigeants allemands donnent la cagnotte. C'est toute une vallée qui défile ce jour-là. À Compiègne, tous ont peur du krach social. Le gouvernement, lui, préfère jouer la montre et laisser pourrir le mouvement classique. Les meetings et les manifestations de soutien s'organisent dans toute la France. Le 7 avril, des représentants du comité de lutte ont rendez-vous avec Philippe Gustin, directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État à l'industrie, Luc Châtel, en charge du dossier. Aucune annonce n'en ressort, rien sur leur demande de réunion tripartite entre eux, l'État et Continental. Et le 21 avril, jour du jugement concernant le recours sur le plan de licenciement, la tension est à son comble. Si la réponse du tribunal de grande instance est négative, les premières lettres de licenciement seront envoyées 28 jours plus tard. Il décide alors d'occuper la sous-préfecture de Compiègne pour rappeler à l'État les promesses passées. Et à 15h30, dans un bureau de la sous-préfecture, Xavier Mathieu reçoit, devant les caméras et les micros de toutes les rédactions, le coup de téléphone tant attendu. Et alors ? C'est pas vrai. On est déboutés, les gars. Ça veut dire qu'on a perdu. On a perdu à Sarreguemines. La direction, elle a gagné. Non. Le soir même, la colère de ces ouvriers de Continental fait l'ouverture de tous les journaux. Cette violence exercée contre quelques ordinateurs et imprimantes n'est rien face à celle quotidienne, rongeuse, que subissent depuis plus d'un mois ces ouvriers. Quelques heures plus tard, Xavier Mathieu fait face aux caméras et aux questions de David Pujadas. Je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous avez vu, vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui ne veulent pas aller se faire démonter. Crever, on veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. On a tenu 5 semaines. Pendant 5 semaines, j'ai réussi, on a réussi à retenir les gens. C'est fini, les gens, ils n'en veulent plus. Le gouvernement nous a fait des promesses. Il s'était engagé à réunir une tripartie qu'on demande depuis le début, dans les 3 jours. Ça fait une semaine que ça dure. Xavier Mathieu, aujourd'hui, on se rend compte. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir ? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Qui sème la misère récolte la colère, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça. Merci, monsieur Mathieu. On ne veut pas crever. Merci, monsieur Mathieu, d'avoir été en direct avec nous. Ce 21 avril, Xavier Mathieu devient l'icône d'une lutte. Comme Charles Piaget en son temps chez les Lippes de Besançon, il ne regrette rien, répond fièrement aux questions du journaliste du 20h qui accueille rarement, il faut bien le dire, un ouvrier pour sa grand-messe. Après son entretien avec Xavier Mathieu, David Pujadas annonce que Luc Châtel, secrétaire à l'industrie, accepte le principe de cette fameuse réunion tripartite. Elle gronde, grogne, elle est prête à se répandre. À fracasser le silence, elle sait comment se faire entendre. Elle me transit l'effroi, très vite je ne sens plus mes membres. Je tremble, confus, impossible de me détendre. Je m'abandonne dans les méandres de ses reflux. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même depuis notre entrevue. Je ne connaîtrai le repos qu'une fois son appétit repu. Enfin je cherche le repli, mais je n'ai subi que des refus. À chaque fois qu'elle revient, c'est pour faire pencher la balance. Quand plus rien ne me retient, quand je subis son influence. La science de la furie, l'art de la guerre réveille tous mes démons. Si je l'écoute, si je coopère, mais si je la contiens, si je la domine, si j'en fais mon allié caché sous ma poitrine. C'est fou la force qui se dégage de ses remous quand elle est légitime et que l'agneau défie le loup. Attends son heure, tapis au plus profond de mon âme. Son visage se reflète dans chacune de mes larmes. Elle se nourrit de peine, de stress et de frustration et coagule lentement sous mon crâne jusqu'à l'éruption. Elle me talonne, s'imprègne de tout ce qui l'environne. C'est la patronne du côté sombre, jamais elle ne pardonne. La mémoire pleine, elle aime le goût de la revanche. Saisit les règles de mes neurones, si par malheur ma raison flanche. Et plus je la refoule, plus je sens qu'elle devient folle. Me triture l'encéphale pour enfin prendre la parole. Et là, plus rien n'est drôle, non plus rien ne paraît frivole. Elle ouvre la gueule et plus personne ne rigole. Ça veut dire qu'on a perdu. On a perdu la Sargumine, la direction à laquelle on est. Éclate au grand jour et donne le change de ses sévices. Elle coupe court au long discours et tord le cou de l'injustice. C'est la bête noire qui veut la tête du tortionnaire. Ce plat qui se mange froid, cette hache que je déterre. Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui la lutte des Conti. Hanovre, 23 avril. Hanovre, Allemagne. C'est le choix de l'imagination et de la surprise. Car de l'autre côté du Rhin, ce jour-là, se tient l'Assemblée Générale des Actionnaires de Continental. Grâce aux caisses de grève passées dans toute la France, les salariés de Clairoy négocient avec la SNCF et affrètent un train de 14 wagons pour transporter les 1120 ouvriers de l'usine. Comme la finance, la lutte des salariés se globalise, s'internationalise. Après une nuit de trajet ponctuée de discussions, de parties de cartes, c'est l'arrivée dans la cité industrielle allemande, une arrivée historique, ambiance. Ouais, c'est amical, hein. La gare est remplie de salariés Continental allemands. Continental, solidarité. Continental, solidarité. Allez, tous en même temps, tous en même temps. Allez, tous en même temps, tous en même temps. Allez, tous en même temps. Ensemble, zusammen. Allemand, français, peu importe. Aujourd'hui, c'est leurs conditions de travailleurs chez Continental qui les rassemblent. Après l'émotion des premiers regards, ensemble, ils prennent la rue, chantent, discutent de la vie de Conti, de la vie d'un ouvrier dans les deux pays. À la tribune, à plusieurs voix, sous différentes langues, une même colère s'exprime. Kollegen und Kollegen, nous sommes 3000 aujourd'hui, venus des différents sites de Continental, pour montrer aux actionnaires et au directoire que nous ne nous les laisserons pas fermer les usines sans nous battre. Nous, les 1120 travailleurs de Clairoy, venus à train spécial, tous rassemblés dans une même colère, dans la même rage de défendre jusqu'au bout nos droits à la vie et ceux de nos familles. Oui, nous avons répondu présent. Devant la Kuppelsaal, le centre des congrès où se tient l'Assemblée Générale des Actionnaires, on demande l'autorisation de lire une motion, et ça marche. Ils obtiennent le droit de s'exprimer, eux, les travailleurs des usines, qui leur rapportent tant d'argent depuis tant d'années aux actionnaires. En entrant dans la salle, ils se retrouvent devant des milliers de petits patrons qui ont chacun un droit plus ou moins fort sur leur vie. La finance, celle qu'on a découverte un jour de septembre 2008, fait alors une rencontre étonnante. Derrière ces petites actions, ces grosses actions, se cachent des hommes et des femmes. À la suite de la motion, certains vont applaudir, sans pourtant autant quitter le navire. Peu importe, cette journée met un peu de baume au cœur, après ces semaines de luttes âpres et violentes, parfois. Même si les nuits sont courtes, hantées par les futures galères, les remboursements des crédits à venir, les difficultés dans les couples, on se souviendra longtemps de cette internationale d'un jour, des Conti, de cette marche commune entre travailleurs allemands et français. Quelques semaines plus tard, au début du mois de mai, la promesse d'une négociation avec les patrons de Continental, seule possibilité pour sortir du conflit, n'est toujours pas honorée. Alors le 6 mai, les gens de Conti décident de frapper là où ça fait mal, un site de production. Alors ils prennent la route, direction Sarreguemines, seconde usine de Continental en France, toujours en activité. Les salariés de ce site, sauvés du dernier plan social, hésitent à les rejoindre dans la cour. Puis, oubliant cette peur d'être eux aussi jetés dans le vide du licenciement, ils arrêtent le travail. À l'abri, mais devant des caméras, les négociations par téléphone s'enclenchent. On passe de la direction de Continental aux représentants de l'État. La tension est palpable. C'est qui tout double, comme le prouve cette séquence du film de Jérôme Paltot, La saga des Conti. Alors qu'on leur montre ce qu'on a dans le froc. On n'est pas rentré. Si jamais il faut aujourd'hui monter d'un cran supplémentaire, dresser, caresser de la côte, alors les gars, nous sommes tous là. Si on abandonne ce soir, on n'abandonne pas. C'est mort. Après plusieurs mois d'attente, ils obtiennent enfin une date. Ce sera le 12 mai à Hanovre. 7 semaines juste pour obtenir un rendez-vous. 7 semaines. Et régler les conditions de leur licenciement. Donc tout reste à faire. Il y aura plusieurs journées de négociations ponctuées de nouvelles manifestations. Le 30 mai, Xavier Mathieu annonce le résultat des négociations. Net d'impôts et de charges sociales, 50 000 pour tout le monde. Et tous pour un, un pour tous. L'Assemblée générale réunie devant l'usine accepte les accords. 50 000 euros de primes dites extra-légales de départ pour chacun des 1120 salariés, des salaires payés à 100% jusqu'en octobre, puis congé de reconversion de 23 mois jusqu'à fin 2010. Pendant ce temps, les comptes de l'entreprise continuent de prospérer. Les ouvriers de Continental, eux, ont juste gagné du temps pour se reconstruire et trouver une nouvelle route dans le chemin sinueux de l'emploi. Le 1er janvier 2010, l'usine est officiellement fermée. Les derniers ouvriers ramassent leurs affaires, trimballent leurs souvenirs d'usine dans de grands sacs poubelles et tournent la page Continental, toujours sous le regard de Jérôme Paletot pour son film La saga des Conti. 36 ans de ma vie, tout est là. On sait que c'est fini, on sait que... on reviendra plus. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait mal au cœur. Moi, je te dis franchement, j'étais bien ici. Moi, s'il y avait moyen que ça continue encore, je serais pour ça. Tu sais, l'argent, ça va vite, hein. Toi-même, tu sais, quand tu fais rien, surtout. Encore, ce serait une petite crise. Là, on est en train de vivre une crise que nous, on ne connaît pas. La crise, on ne sait pas ce que c'est, nous. On ne sait pas ce qui va se passer derrière la crise ou ce qui se magouille. On n'en sait jamais rien. C'est chaque génération, c'est toujours la même histoire. On te bourre le crâne avec des excuses bidons et au résultat, comme avant, c'est l'ouvrier qui paye. On avait tous hâte d'avoir le maximum et puis que ça se termine le plus tôt possible, mais moi j'appréhende que ça se termine, tout ça. Cette putain d'histoire humaine qu'on a vécue là. Quelle société de. Il n'y a plus d'humain, il n'y a plus rien, c'est que des chiffres, du fric. On sacrifie tout ça pour. Je me demande comment ces mecs-là ils peuvent se regarder dans des glaces, quoi. Comment ils peuvent se regarder en face, faire du mal aux gens comme ça. Je sais pas. Je saurais pas être à leur place, c'est tout. Sacrifié. L'odeur du caoutchouc ne se fait plus sentir sur la petite commune de Clairoy. Elle est partie à l'est, en Roumanie, comme les machines. Trois fois par jour, dans la zone industrielle de Timișoara, les bus déposent leur contingent d'ouvriers, puis reviennent 8 heures plus tard, là-bas. On travaille pour 340 à 440 euros par mois. À Clairoy, on ne travaille plus. Depuis la fermeture de l'usine, la crise sociale ne s'est pas interrompue. En 2012, pour l'émission sur les docks, Marine Diffy et Charlotte Bien-Aimé sont allés à la rencontre d'un ancien de Conti, Jean-François. Bon, ils nous ont filé des indemnités. Mais moi, c'est pas ça que je veux, moi. C'est pas les indemnités. S'il faut leur rendre les indemnités, je les rends. Demain, je les rends. Moi, ce que je veux, c'est retrouver ma dignité de travailleur. Parce que moi, j'ai reçu une lettre recommandée et ils m'ont proposé un poste d'aller travailler en Tunisie pour 137,50 euros par mois. On se fout de nous, quoi. On se moque de nous. C'est pas possible. Et si on se met en colère, on vous dit, doucement. Ben non. On a le droit de se révolter. Ma haine, ma violence, ma colère, ça fait un cocktail que, même encore maintenant, ceux qui ont décidé la fermeture de l'usine, ils doivent penser au désastre psychologique et physique qu'ils ont créé là. On travaillait à la chaîne. C'était très dur. Mais comment je peux dire ça? Maintenant, on cherche à aller travailler. Mais on veut plus de nous. On ne veut plus de nous. Après le jugement des actionnaires, 7 ouvriers ont dû faire face à celui de la justice au sujet des dégradations de la sous-préfecture. Après de longs mois d'attente, ils sont condamnés à verser solidairement à l'État 1280,53 € de dommages et intérêts et échappent aux peines de prison avec sursis prononcées en première instance. À ces chiffres, on peut ajouter les 253 divorces et les suicides de certains anciens de l'usine. Aujourd'hui, plus de 440 anciens ouvriers de Clairoy sont toujours sans travail pendant que les autres additionnent les emplois précaires. C'est la seconde vague de la catastrophe, celle qui intervient à la fin des congés mobilité, des allocations chômage, dans notre société post-crise, où l'emploi et les industries s'effacent peu à peu de nos territoires, post-crise de la finance, mais en plein dans la crise économique. Aujourd'hui, les Contis n'ont toujours pas courbé les chines. Il y a quelques jours, la Cour d'appel d'Amiens a invalidé le motif économique invoqué par Continental pour le licenciement de 683 salariés de l'usine de Clairoy. L'usine n'est plus, mais le combat continue. Bienvenue à tous. La nouvelle était dans l'air. On l'évoquait depuis plusieurs mois, mais son annonce officielle a brusquement modifié le climat social et politique en France. PSA, premier constructeur automobile du pays, annonce donc 8000 suppressions d'emplois. Il n'y a aucune justification à la fermeture de l'usine d'Aulnay. Les actionnaires, c'est eux qui nous coûtent cher. C'est eux qui licencient, qui ferment les usines et c'est eux qui ramassent le profit et les bénéfices. C'est la première fois qu'une usine automobile ferme en France. En 20 ans, j'ai quand même ma famille, j'ai la maison à payer. Comprenez cette décision de PSA ou elle vous choque. Tout est parti d'un document trouvé je ne sais où, parlant d'une usine et d'un avenir sous verrou. Bien sûr qu'il y a malaise quand il parle de reclassement. Écran de fumée aussi dangereux qu'un gaz d'échappement. Fond d'espoir réduit à néant, au rythme de leurs discours bien ficelés culpabilisants. Pendant que le monde tourne comme leur moteur, le nôtre s'effondre au profit de certains saboteurs. Braquage verbal, menteur depuis le début. Notre patron a plus de vis que les dealers de nos rues. La colère monte, y'a trop de mépris et d'arrogance. Nos jobs ont le même horizon qu'un condamné sur la potence. Quand on se tue à la tâche, la fermeture est indélébile. Une cicatrice qui saigne sur de nouveaux bidonvilles. Dans leur annonce, ils parlent du sacrifice. Nous c'est pas de la peau du lion qu'on se souvient, mais de ses griffes. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice. Déprime, malaise, ça peut plus durer. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? On lâche rien. Jusqu'au bout. Quand il s'agit d'indemniser, le lion est un rapace. Les émotions s'entrechoquent, on se doit limiter la casse. On mène plus à la baguette ceux à qui on promet des miettes. Y'a trop de contre-jours sur nos enfants qui déforment leur silhouette. Avare, varin, responsable, véreux. Il quadruple son salaire et dit que le coût du taf est fiévreux. Aucune usine devrait fermer grâce à l'argent public. L'État ose dire qu'il n'y a pas de secteur privé dans ses rubriques. Y'a de l'inquiétude, menteur d'un jour, menteur toujours. Y'a des larmes et y'a des malaises que n'arrange pas le compte à rebours. On le savait tous, mais c'était pas d'actualité. Et y'a pas plus dangereux qu'un animal qu'on vient de blesser. Ceux qui fabriquent les richesses, ceux qui fabriquent les produits, c'est pas les actionnaires, c'est nous. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise. Ça peut plus durer. Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement. Ça peut plus durer. Profit, esclave, stress, chômage, pression, flottement. Ça peut plus durer. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? On lâche rien. Jusqu'au bout. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la bataille des Contis, et notre invité, c'est Xavier Mathieu, que vous avez entendu plusieurs fois dans ce récit. Bonjour. Bonjour. Xavier Mathieu, merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, faut-il le rappeler s'ils viennent d'écouter le récit, mais enfin, je le fais quand même. Vous étiez le délégué syndical de la CGT pour les Contis, donc porte-parole, hein, de facto, de cette lutte. Quelques questions très simples. Quand êtes-vous entré chez les Contis? Je suis rentré chez Conti en 88, j'avais 21 ans. Ouais. Et papa de deux enfants déjà, et voilà, fallait nourrir la famille. Quel était votre métier chez les Conti? Moi, j'étais confectionneur, voilà, j'étais sur une machine, je confectionnais, j'assemblais les matières d'un pneumatique. C'est un pneumatique, c'est très complexe, ça. On s'imagine toujours que c'est quelque chose de très simple, mais c'est bien plus compliqué de fabriquer un pneu qu'une jante, par exemple. Il y a plein de matières. Alors, que faites-vous maintenant? Ouais, je vous n'allez pas le dire? Non, c'est pas que je vais pas le dire, c'est que j'ai un peu voilà, je comme tous mes camarades, j'oscille entre la SS, le RSA, un peu de cachet dans le cinéma, et voilà. En tant que comédien? En tant que comédien, ouais. Bon, ouais. Bah vous souhaite bonne chance. Avant cette grève, c'était quoi la vie chez les Contis? Quel genre d'usine c'était? Comment vous viviez cela? Quelle était l'ambiance? Bah, c'était une vie de travailleur, une vie de solidarité entre camarades. On est même si le travail était pas très valorisant et très agréable à faire, on était quand même contents. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça, cette espèce de solidarité, ce truc de se retrouver entre camarades tous les jours, jouer à la belote pendant le casse-croûte et tout ça. C'était une vie de famille. C'était un tiers de notre vie, quoi. Mmh. C'est un tiers de notre vie en 3-8. Travaille en 3-8, la pire des travails, le pire des horreurs, je pense. Donc, un salaire et puis aussi une vie sociale, hein, c'est ce qu'offre le travail. Et c'est la raison pour laquelle le chômage est une douleur aussi forte. Hein, finalement, le chômage, c'est une double peine, celle de ne plus avoir de revenus, ou moins, et plus de vie sociale et de repères. Alors, on va arriver au jour du drame, et je crois que le mot drame n'est pas excessif. Hein. Le 11 mars 2009, on vous annonce la fermeture. Alors, j'imagine que ça tombe pas comme ça, qu'il y avait des signes avant-coureurs, mais quel souvenir vous gardez encore aujourd'hui, 7 ans après, quand on vous dit, voilà, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? C'est une vie qui bascule, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on ressent? Non, mais c'est une trahison avant tout. Enfin, il y a eu Sarkozy qui a annoncé travailler plus pour gagner plus. En 2007, les gens ont fini par accepter de baisser leur salaire. C'est important, hein, repasser à 40 heures, payer 35, perdre la moitié de la prime de fin d'année, la moitié de la prime de vacances. Enfin, des efforts considérables en vous disant que c'est pour sauver l'entreprise et qu'il y avait au moins une garantie jusqu'à 2012. Et en 2009, on vous annonce la fermeture de l'usine. Donc c'est une trahison totale. On n'y croit pas. On apprend par la presse en plus. Donc un truc de fou quoi, des escrocs de grand chemin quoi, je dirais. Au départ on appelait ça des patrons voyous, mais maintenant c'est devenu des criminels puisque des gens ont perdu la vie depuis quoi. D'ailleurs à ce propos, vous avez gardé des contacts avec les anciens Conti, vous savez ce qu'ils sont devenus en fonction de ceux que vous connaissez, qui veulent bien vous donner des nouvelles? Non mais on se réunit toujours, on s'est encore réunis il n'y a pas longtemps. Ouais, on y reviendra avec un reportage. Et les Conti, c'est... Enfin pour moi c'est... D'autres veulent... Quand on me dit qu'il faut tourner la page... On la tourne pas parce que c'est à la fois une réalité et un symbole qui nous ramène aussi à ce qui s'était passé chez Lippe. Vous vous souvenez, chez Lippe, dans les années 70, c'est resté mythique dans le sens où la lutte ouvrière, elle a un sens, justement. Et vous pensez que la lutte des Conti, même si vous ne l'avez pas fait pour ça, elle est héritière de ce combat qui avait été mené par les Lippe? Notamment, non, on est dans cette... Alors, c'est un peu différent, parce qu'après, c'est... Non, justement, stop, enfin, mais... l'ellipse, c'est très... On est dedans quand même. C'est très similaire. Ouais. Voilà, on est... Enfin, je vous dis, enfin, c'est... Quand on dit, enfin, tourner la page et tout, enfin, moi, pour moi, ce conflit, ça a été comme un grand amour perdu, quoi. C'est... Non. C'est, comment dire, vous savez, comme quand... Quand vous avez perdu quelqu'un de cher, il y a toujours des endroits où vous retournez, des sons, des odeurs qui vous rappellent toujours ça. Et je pense que moi, je n'arriverai jamais à tourner la page, mais c'est pour moi un grand amour perdu. Et comme tous les grands amours perdus que j'ai eus dans ma vie et resteront marqués dans mon cœur, je ne les oublierai jamais. Et je tiens à ce qu'ils y restent, d'accord. D'ailleurs, je ne veux pas tourner la page. Pour moi, c'est une histoire très importante de ma vie. Et voilà. Et l'ellipse, c'est pareil. Vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer... beaucoup de fois Charles Piaget qui vit ça de la même intensité que moi. C'est en même temps des cauchemars. On a vécu des cauchemars, c'est un scandale cette fermeture d'usine. On a vécu des cauchemars, mais en même temps on a vécu une magnifique histoire de solidarité, d'union. C'est beau ce qu'on a vécu, c'est une belle histoire d'amour. Vous voyez que la page, on la tourne pas, puisqu'on en parle aujourd'hui, ensemble. Alors, on l'a vu pendant le récit, l'écho dans les médias était important, et là, pour le coup, pour la bonne cause, hein, parce que c'est vrai qu'un conflit qui est quand même porté par les médias, il prend de la force, hein, on est bien d'accord là-dessus, même si ça peut être quelquefois dangereux, se servir des médias. Mais enfin bon, là, c'était apparemment plutôt positif pour vous. Alors, il y a eu des épisodes forts. Est-ce que l'écoute au sein des ministères, au sein de ceux qui pouvaient faire quelque chose pour vous, a changé à partir de l'épisode de la préfecture? Est-ce que ça a été un tournant? Est-ce que ça a fait avancer? Qu'est-ce que ça a joué comme rôle, cet épisode-là? Il est clair que les agriculteurs et compagnie ont compris que la seule façon de faire avancer les choses le plus vite possible, c'est la violence. Il n'y a pas d'autres critères. Enfin, nous, je dis dans le reportage une semaine après, c'est pas une semaine, ça faisait 6 semaines que le gouvernement nous promettait des tripartites, qui se foutaient de notre gueule, qui répondaient plus. Il y a eu ce truc à la sous-préfecture de Compiègne. 3 heures après, Châtel annonce qu'on nous autorise notre tripartite. Donc voilà, ils ont validé que la violence était importante et qu'il fallait utiliser la violence si on voulait les choses simples, quoi. Voilà. Donc moi, je croyais en Gandhi, je croyais en tout ça avant la fermeture de cette usine. J'étais un humaniste, j'étais un non-violent et je croyais que. Et en fait, bah voilà, ça dépend dans quelle société on se trouve. Et il faut pour faire avancer les choses, des fois il faut taper du poing, il faut montrer qu'on peut être méchant, et voilà, à partir du moment qu'on a montré qu'on a été méchant, on a été respecté, donc voilà. Et cette manifestation avec les Allemands, les ouvriers allemands, qu'est-ce que vous avez ressenti là? C'était aussi un tournant ou dans la motivation, c'était un réconfort, qu'est-ce que ça a marqué dans les esprits, cet épisode-là? Ça a été un moment, mais d'une chaleur incroyable, hein, cette internationale, ce mouvement international des ouvriers d'un pays qui allaient manifester avec d'autres dans un autre pays, contre le même patron, le même voyou, enfin, ça a été quelque chose de d'énorme, enfin, pour les travailleurs, ça a été magnifique, cette solidarité avec les Allemands, comment ils ont organisé ça, enfin, on a été accueillis, enfin, Quel moment, ça nous marquera à vie. Celui qui dit qu'il passe à autre chose, c'est impossible. Cet accueil, cette négociation avec la SNCF pour obtenir ce train, cette solidarité, c'est cette caisse de solidarité qui s'est remplie jusqu'à Mexique. On a eu de l'argent qui venait jusque du Mexique. Enfin, c'est dans l'adversité qu'on voit que l'être humain il est fort. Il y a des fois je suis pessimiste dans l'humanité, et des fois quand on se retrouve dans l'adversité comme ça, on se dit que l'homme il est bon, et des fois il suffit simplement d'avoir les arguments, d'avoir les critères pour faire changer les gens. Est-ce que vous aviez conscience que ce combat était un combat emblématique? Alors, j'avais parlé des LIP, mais il y a eu aussi, notamment sous le gouvernement Jospin, il y avait eu Michelin, il y avait eu Lu, et on se souvient à quel point Lionel Jospin avait eu du mal à parler aux ouvriers qui étaient licenciés ou en menace de licenciement. Il leur avait dit bah, « l'État ne peut pas tout ». Bon, et puis il y a eu les Conti. Est-ce que vous aviez le sentiment à l'époque que c'était c'était une lutte emblématique? Non, on se rend pas compte, mais l'État ne peut pas tout. Enfin, on se rend compte que depuis que l'État peut tout pour rincer la gueule des grands patrons. Enfin, depuis le CICE, c'est 42 milliards qui ont été investis, qui ont été donnés gratuitement. C'est le hold-up du siècle. Spadjari, c'est un charlot à côté de ce qu'a fait Gattaz. 42 milliards pour soi-disant embaucher. Ils n'ont pas embauché une personne. D'ailleurs, Gattaz, le premier dans son entreprise, non seulement il n'a pas embauché une personne, mais il a augmenté son salaire de 35% depuis le CICE. Ils ne peuvent rien. Ce ne sont que des carpettes qui se mettent à genoux devant le grand patronat, devant l'oligarchie. Et voilà, on l'a bien compris, qu'ils soient de droite, de gauche, je pense que la seule solution, ça va être de sortir dans la rue et de virer tous ces salopards qui servent d'alibi, qui ne sont que des marionnettes. Xavier Mathieu, je vous présente Annaëlle Verzeau, reporter pour Affaires Sensibles. Alors, je rappelle que le 6 juillet dernier, pour être très précis, hein, les anciens ouvriers de Continental Clairroy, ce qu'on appelle affectueusement les Conti, ont gagné l'ultime procès contre l'usine Continental. La Cour de cassation, qui avait été saisie en novembre 2014 par Continental, a confirmé que l'entreprise allemande avait en 2009 fermé, je le répète parce que c'est vraiment important, sans motif économique, l'usine de Clairroy, Annaëlle. Et la justice française avait même affirmé que la fermeture, je cite, hein, la fermeture de l'établissement de Clairroy et la suppression de l'ensemble des emplois ne répondait qu'à un souci de rentabilité. Alors, comme ça, c'est clair. Et pour fêter leur victoire, ce qui était une victoire à ce moment-là, les anciens ouvriers de Continental se sont retrouvés le samedi 1er octobre dernier au parc de Marigny-les-Compiègnes dans l'Oise, et vous y étiez, Annaëlle. Voilà. Et comme ça, à vue d'œil, je dirais qu'il y avait à peu près 400 personnes. Enfin, Xavier, peut-être que vous pourriez me reprendre, mais je pense 400-500 personnes. Ce qui semblait à ce moment-là pour certains anciens ouvriers assez peu sur l'ensemble des 1113 ouvriers. Moi, je trouvais que c'était plutôt beaucoup. pour cette victoire, une lente victoire en fait en demi-teinte, puisque environ 400 d'entre eux n'ont toujours pas retrouvé de travail et sont arrivés en fin de droit. Alors ça veut dire qu'ils ne touchent plus d'indemnité chômage, et, alors c'est sans compter les personnes qui ont un travail, mais en intérim ou à mi-temps, enfin c'est une précarité. J'avais dit le cœur de la deuxième partie d'émission sera bien celui-là. Que sont-ils devenus? Eh bien on les retrouve grâce à votre reportage à Marigny-les-Compiègne. Ça va, on vous dérange pas pendant que vous... Radio France. C'est dîner spectacle, c'est nous. On a faim. Ok. Excusez-moi, vous travaillez à Continental? Oui. Oui. Oui. Tout ça, le groupe? C'est notre groupe. Comment vous vous appelez? Alors, moi, je m'appelle Marianne. Vous avez travaillé combien de temps, Marianne, à Continental? Moi, j'ai travaillé 7 ans. Vous étiez dans quel domaine? J'étais en premier temps dans la fabrication du pneu. Donc j'étais sur machine à la fabrication en 3 bits. J'ai retrouvé du travail, mais toujours en intérim. Qu'est-ce que vous faites? Depuis 2009. Alors je travaille dans une usine qui fait des pièces d'usinage. Mais bon, je suis toujours en intérim, quoi. Donc jamais la certitude de retrouver? Absolument pas, mais bon, maintenant, presque 58 ans. Vous vous dites, je vais aller comme ça jusqu'à la retraite? Bah oui, évidemment. C'est quand même des années difficiles à vivre. On était quand même embauchés et on pensait quand même aller jusqu'au bout. Et puis se retrouver du jour au lendemain au chômage de cette façon-là. Vous avez pu faire une formation? Après, il faut avoir des idées pour faire une formation. Quand on a un certain âge, on ne va pas se remettre d'un coup à faire carrément autre chose, quoi. C'est pas... En fait, il fallait vraiment de nous-mêmes chercher quelque chose. Je pense que si on est une personne battante, on arrive à retrouver quelque chose. Si on a un petit caractère un petit peu à désespérer, c'est mort, quoi. On a perdu énormément. Bien sûr. Moi, maintenant, je travaille à mi-temps, c'est plus pareil. Hein. Comment vous appelez? Francis Benoît. Francis, vous avez travaillé combien de temps à Conti? 30 ans. Et vous avez retrouvé du travail, mais... J'ai retrouvé du travail, mais bon, après un peu plus de deux ans de chômage. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je fais du transport de personnes handicapées, scolaires. C'est un temps plein? Non, à mi-temps. Ça vous fait combien par mois comme salaire? En gros, 618 euros. Ouais, à peu près, ouais. Pas grand-chose. Bon, moi, heureusement que nous, quand on avait négocié des accords, là, je touche une petite prime de 1000 euros quand même par mois. Donc, ça me fait un salaire correct. C'est une prime pour quoi? Pour ceux qui étaient nés en 57, en fait. Pour ceux qui étaient nés à un certain âge, ils nous avaient bloqué une somme jusqu'à 60 ans. Le mi-temps plus ça, ça fait un salaire. Le mi-temps plus ça, bon, je m'en sors. Et vous êtes propriétaire ou locataire tous les deux? Locataire. Donc quand vous étiez au chômage, comment vous faisiez pour payer le loyer? On a toujours payé. On a serré les boulons et puis voilà. Mais bon, ça va pas trop mal. Moi, puis on a un petit pécule quand même. Vous avez touché combien au total d'indemnités de licenciement? Au total, un petit peu plus de 100 000 euros. Ouais. Que vous avez mis de côté? Oui. Jusqu'à là, maintenant, on va dépenser. On va voir ce qui est justement les 2 ans de plus que je vais avoir à travailler là. Aller jusqu'à 62 ans, je toucherai plus rien, donc avec ce qu'on a, on fera le complément. Hein. C'est vrai que ça a bien été négocié quand même. Mais l'union fait la force, comme quoi ça paye. Il faut lutter. C'est dur, mais il faut lutter, il ne faut pas baisser les bras. Il y en a qui sont restés sur le carreau quand même. Ils sont pas là. Mais non, ça a été dur, ça a été dur. Pierre, oui. Pierre Sommet, vous êtes leader syndical. C'est-à-dire porte-parole des gens de Continental plutôt. Et vous, Pierre, vous en êtes où? Vous avez retrouvé du travail ou pas? Du tout. Moi, j'ai fini mes droits au chômage et depuis 5 mois, je suis à l'ASS, c'est-à-dire à 16 euros par jour. C'est allocation spécifique de solidarité, c'est-à-dire plus bas que ça, il n'y a pas, quoi. Alors 16 euros par jour, ça fait combien par mois? 500 euros. Ouais. Vous allez chercher du boulot, j'imagine? Je cherche tout le temps, je postule, quoi, sauf que 7 ans de combat continental ne sert pas après pour trouver du travail, quoi. C'est-à-dire que quand vous arrivez devant l'employeur, il vous dit « Non mais attendez, vous êtes leader syndical ». Ouais, mais bon, c'est pas la réalité, on s'est battu pour une cause noble, la preuve, on a réussi à faire condamner Continental, donc notre combat était juste et justifié, et je regrette rien, mais rien du tout de ce que j'ai fait, s'il faudrait le refaire, je le referai. Mais bon, on a le problème, c'est qu'ils ont l'impression qu'on va mettre la zizanie dans les entreprises, ce qui n'est pas le cas. Moi, je cherche un travail, je cherche à... Chercher dans quel domaine? En électricité ou en conduite de ligne, mais en conduite de ligne, dans les grandes entreprises, ça va être difficile, quoi. Mais voilà, ça commence à être un peu prenant, quoi. Vous avez une compagne ou une femme? Oui, mais qui travaille que 8 heures par semaine, donc C'est un choix de sa part ou c'est l'entreprise qui lui impose ça 8 heures par semaine? Non, mais c'est-à-dire que, bon, avant quand je travaillais, c'était pas grave, quoi. Elle travaille dans une mairie, elle fait un peu de ménage, tout ça. Voilà, mais bon, bah, le problème, c'est que quand j'avais un salaire, ça allait. Mais maintenant, j'ai ma fille qui est à la fac, qui me coûte à peu près 500 euros par mois, donc voilà. Ah, alors vous êtes payé 400 euros, il faut payer 500 pour votre fille déjà pour... Bah, le logement, bon, elle a des bourses, tout ça, mais il faut lui donner à manger, il faut qu'elle. Voilà. Hein. Et j'ai 2 enfants, donc une qui est en cinquième. Donc c'est vraiment difficile, quoi. Du coup, vous êtes dans le rouge à la fin du mois ou comment? Bah, je vis, étant donné que je suis quelqu'un de prudent, qui avait demandé ma réintégration à Continental. Donc j'avais une chance sur deux de devoir rendre la totalité de ma prime de licenciement. Donc j'ai gardé ma prime de licenciement, l'intégralité, et je vis avec ça maintenant, quoi. Ça fait combien, ça, la prime de licenciement? Un peu plus de 80 000 euros. Ouais, vous êtes obligé de répartir un peu tous les mois? Bah, c'est ça, ouais. Boucher les trous avec pour payer des factures, quoi. Ça peut vous faire tenir quelques années, mais pas plus. Ah bah oui, j'espère trouver du boulot avant quelques années. Vous avez quel âge, Pierre, si c'est pas un J'ai discret. 49 ans. Vous venez, les copains, là? On veut vous parler, là, parce que vous faites partie du grand parce comité que d'organisation. Parce que j'ai un discours à faire sur la tribune, c'est pour ça. D'accord. Bon, merci beaucoup, Pierre. Mais bon y courage. A pas de quoi. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Gérard Enculé. Voilà, merci à tous. On va bientôt passer au concert des Fatal Picard. Là, Xavier Mathieu, son beau copain, mon compagnon de lutte, ouais. Les voix vous sont tellement familières. Ouais. C'est mes potes, c'est mes amis, mes frères. Bon, dites-moi, vous étiez délégué syndical CGT. Comment vous a soutenu et aidé la CGT Paris? Allô? Non, enfin, on a eu un problème. On s'est pas bien compris avec les centrales syndicales. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle pensait, elle? Elle n'avait pas compris ce qui se passait. À l'époque, vous savez, dans tous les conflits sociaux en France, partout où les gens ont été un peu conseillés par des gens d'extrême gauche, qu'ils soient la NPA ou lutte ouvrière, la CGT a souvent eu du mal. J'ai réussi dernièrement, depuis des années que je suis à la CGT, même depuis 7 ans, la fermeture de l'usine, Martinez est le premier. Secrétaire général avec qui je parle assez régulièrement, assez souvent, voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vais encore le rencontrer demain, puisque demain il y a le grand rassemblement pour soutenir nos camarades de Goodyear, oui. Les 8 de Goodyear. Oui, bien sûr. Et alors, coïncidence ou pas, je sais pas, parce que si je suis dans les plateaux de France Inter, cette grande journée sera co-animée par un ancien de la maison très aimé, Daniel Mermet de la Bastille. J'y suis, donc c'est autant fort pour moi que voilà, quoi. Vous irez voir la Bastille. Ouais. Je veux simplement dire qu'il y a un gros problème dans cette société, c'est le vrai problème, c'est le partage des richesses qu'il faudrait faire et que... Il faudrait enfin arriver à ce que cette société comprenne que les richesses, les vraies richesses, sont celles qui sont faites par les bras des travailleurs et que rien que de les répartir dans la société, ça serait répartir tout, construire des logements sociaux. Enfin, je voudrais qu'on revienne à une société humaine, humaniste et sociale et arrêter de faire en sorte que l'exploitation et l'esclavage des êtres humains. Il y a quand même presque, ce qu'on aime savoir, c'est que il y a quand même presque 500 travailleurs qui meurent en France de vouloir travailler. Sur des lieux de travail, et qu'il y a des camarades de Goodyear demain qui vont être inculpés pour avoir fait un babysitting sur un patron, alors qu'il y en a 500, il y a 500 travailleurs qui meurent en France par an et qu'il n'y a jamais un patron qui a été inculpé pour ça. Je trouve ça juste scandaleux. Ce sera scandaleux, ce sera le mot de la fin. Ouais. Salut Mathieu, merci. Mais on lâche rien. On lâche rien. Enfin, je vois ça. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la lutte des contis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les coulisses du film de Michael Cimino, La Porte du Paradis, qui a envoyé son réalisateur à Hollywood en enfer.